c'était un peu un inconnu que de suivre la fin du monde. Regardant en arrière, je ne regrette rien. Vous parlez donc de conversion à 33 ans, c'est ça ou voilà, disons la conversion s'est passée, oui, à peu près à l'âge de 32 ans, 33 ans. J'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 28 ans, j'ai vécu ici. J'étais élevé dans un milieu catholique non pratiquant, donc j'ai fait un peu de catéchisme et j'allais à l'église. J'avais une foi qui n'a pas survécu, je dirais, à l'étude de la philosophie dans le lycée laïque français. Et j'avais un peu rejeté la foi à l'époque de l'adolescence. Et lorsque j'ai eu l'occasion d'entendre une prédication aux États-Unis sur un sermon de Luc, pour moi, c'était un peu le déclic. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est là qu'est la vérité. J'avais mis un peu les questions spirituelles de côté, mais il y avait toujours cette soif de trouver un sens, un but à ma vie qui était toujours là. Donc il y a eu une impulsion très forte, si je comprends bien, pas seulement un petit réveil à la foi, mais véritablement une naissance à une autre conscience et aux besoins autour de vous. Totalement, oui. Et ma vie chrétienne a pris vraiment le plus d'importance. Je sais que du jour au lendemain, j'ai préféré abandonner certains loisirs pour me consacrer à des cours bibliques ou à travailler dans le cadre de l'Église. Je m'étais aperçu, en fait, j'étais un grand pêcheur à la ligne. J'avais découvert la pêche au saumon là-bas. Et le dimanche matin, mon plaisir, c'était de partir aux aurores, aller taquiner les saumons. Mais bientôt, j'avais réalisé que c'était même plus une joie. Je travaillais encore plus le week-end, je me levais plus tôt le week-end. J'étais devenu esclave de mes plaisirs. Donc, progressivement, cette partie spirituelle de ma vie a pris le dessus, même au niveau de mon travail. J'ai réalisé que la vie est courte et qu'il y a des choses à faire qui comptent. Donc, je crois que vous avez trouvé votre épouse aux États-Unis et puis retour en France. En fait, nous nous sommes rencontrés à Aix-en-Provence où elle était jeune fille au pair. Et c'est vrai que les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous nous sommes rencontrés dans une discothèque d'étudiants. Mais en rétrospective, on voit que ça m'a permis de partir aux États-Unis et peut-être d'aller rencontrer le Seigneur là-bas. D'accord, donc c'était votre, à l'époque, future épouse qui a été le lien avec les États-Unis. Absolument, oui. Mais donc, la période aux États-Unis a pris sa fin, vous êtes revenu dans la région. Et alors, il y a eu cette création d'église, comment ça s'est fait tout ça? Bien, c'est vrai qu'on avait vraiment l'idée qu'il fallait revenir en France et participer à l'œuvre du Seigneur. On n'était pas sûr du cadre, on avait pris des contacts avec des mouvements missionnaires qui travaillaient en France. Notre église mère aux États-Unis, à Seattle, dans l'état du Washington, avait encore à l'époque très peu de missionnaires. Et nous avions fait la connaissance de chrétiens sur Nice, notamment à l'église évangélique libre à l'époque. Et nous ne savions pas comment nous allions pouvoir revenir. On a suivi des cours bibliques à l'Institut de Prairie Bible Institute, ça c'est au Canada. Et donc on ne savait pas encore comment, mais finalement l'opportunité s'est déclenchée lorsque j'ai pu venir remplacer le pasteur de l'Église libre pendant quelques mois. Et suite à ça, nous avons été encouragés par notre église mère et par la réponse que nous avions, les contacts que nous avions déjà à démarrer une petite réunion chez nous dans notre salon avec le premier jour, c'était simplement ma femme et mes deux enfants. Et petit à petit, en invitant les voisins, en faisant connaître ce que nous faisions, Nous avons pu démarrer une réunion régulière le dimanche et en semaine. Ok, ça, on va développer ça un petit peu tout à l'heure. On va écouter un petit peu de musique pour faire une petite pause. C'est David Durham qui chante « Je ne t'oublierai pas ». Bien des gens boiront la pluie, remercions les nuages. Beaucoup entendront ta voix, mais ils ne changeront pas. Je ne t'oublierai pas, toi mon Dieu, mon roi, déposant devant toi ma vie et mes droits. Ce que je veux t'apporter ne dépend pas de toi, mais de ce que moi seul peux te donner. Un cœur reconnaissant qui prie en remerciant, une danse de joie que je danse pour toi. Chanter à pleine voix, te crier sur les toits, et passer mes jours à des gens donneront tout, suivre ceux qui brillent. Beaucoup liront tes paroles sans jamais changer d'avis. Je ne t'oublierai pas, toi mon Dieu, mon roi, déposant devant toi ma vie et mes droits. Ce que je veux t'apporter ne dépend pas de toi, mais de ce que moi seul peux te donner. Un cœur reconnaissant qui prie en remerciant, une danse de joie que je danse pour toi. Chanter à pleine voix, sur les toits, et passer mes jours à t'adorer. Que reconnaissant, prie en remerciant, danse de joie que je danse pour toi, chanter à pleine voix. Vous écoutez David Durham chanter « Je ne t'oublierai pas ». C'est l'émission Actualité protestante. Et nous accueillons aujourd'hui Pierre Petrignani, pasteur de l'église Calvary Chapel. Calvary Chapel, c'est un nom américain et c'est le nom d'un mouvement d'église là-bas. Tout à fait. L'origine de ce mouvement évangélique protestant remonte aux années 60. En Californie, il y a eu ce qu'on a appelé, après coup, un réveil chez les hippies. Mm-hmm. La contre-culture de l'époque était en plein boom et ce pasteur Chuck Smith avait un fardeau de, lorsqu'il voyait tous ces jeunes qui désorientés, qui se livraient à toutes sortes d'immoralités, qui s'adonnaient à la drogue, qui n'avaient plus de repères. Il a eu le fardeau de commencer à prier pour eux et de commencer des études bibliques parmi ces jeunes. Et très vite, il y a eu un réveil très, très impressionnant. Les jeunes se sont fait baptiser par centaines, voire par milliers. Et ce mouvement a une autre caractéristique. Donc, il est d'abord tourné vers la jeunesse. Il est un peu à l'origine de ce qu'on a appelé la musique contemporaine religieuse avec le groupe Maranatha qui faisait partie de Calvary Chapel à l'origine. Et aussi l'idée qu'on étudie la Bible dans son intégralité. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, et typiquement les études bibliques sont des études bibliques en profondeur avec toujours l'importance accordée à la mise en pratique de ce qu'on étudie. dans la Bible. Donc à l'origine, un mouvement qui touchait principalement la jeunesse. Et la jeunesse hippie, c'est ce qu'on appelait à l'origine le mouvement Jesus People, le Tout peuple de Jésus. Le mouvement de Jésus, le Jesus Movement, oui, c'est vrai. Et ça se passait... dans les années 60-70. Et donc ensuite, le mouvement s'est structuré. Et... Alors les jeunes hippies ont grandi, ils ont coupé leurs cheveux, ou ils ont perdu leurs cheveux au bout des années, et ils se sont retrouvés à être pasteurs d'églises qui ont grandi très vite. L'église d'origine, Calvary Chapel, c'était en fait le nom d'une petite église qui avait été reprise par Chuck Smith, où il y avait 25 personnes. Il y en a maintenant 25 000, on a du mal à concevoir des églises de cette taille en France. Et c'est vrai que là aussi, ce qui est important, c'est l'implication de chacun dans des groupes, des petits groupes où les relations fraternelles peuvent être mises en pratique à la lumière de la Bible et éclairées par l'Esprit Saint. Donc le petit groupe a son rôle, et je crois que c'est comme ça que vous avez commencé à Nice. Tout à fait. Nous avons donc démarré à quatre avec ma femme et mes deux enfants et puis quelques amis. Nous avons surtout voulu ne pas faire du tort à l'église où j'avais travaillé pendant un temps, où j'avais été accueilli pendant quelques mois. Donc on a dû dire aux personnes que c'était rien de personnel, mais qu'on ne voulait pas les attirer chez nous. Donc c'était un travail assez lent. On a toujours eu à cœur les jeunes, les étudiants, on a travaillé avec des amis du GBU, on a pu faire des contacts, mais c'est vrai que... Le GBU, c'est le groupe biblique universitaire. Tout à fait, le groupe biblique universitaire qui regroupe des chrétiens de toutes dénominations, protestants, catholiques, évangéliques, orthodoxes, qui a toujours été, depuis de longues années, présent à Nice et qui a, je crois, plus de 50 ans d'âge en France. Donc c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. On a, en tant que petite église, il y a tout un tas de suspicions, de difficultés à surmonter. Parce que le petit groupe ne représente pas grand-chose, n'a pas d'officialité en quelque sorte. Tout à fait, il y a une méfiance légitime vis-à-vis de ces petits groupes. Est-ce que j'étais un gourou ou pas? Il fallait que les gens viennent voir pour réaliser que ce n'était pas le cas et que l'autorité c'était la Bible et Jésus-Christ. Nous avons pu lier des contacts encourageants avec les autres églises protestantes évangéliques qui nous ont accueillis fraternellement. L'Église catholique a aussi été très, très fraternelle, il nous a accueillis, on a établi une longue amitié avec, par exemple, le Père Daniel, qui était responsable de la catéchèse, je ne sais pas si c'était le terme exact, à Don Bosco. Il nous accueillait pour chanter de la musique et annoncer l'Évangile. Près de chez nous, nous avons pu aussi bénéficier de l'accueil fraternel du Père Toche, qui nous a souvent passé des locaux, prêté des locaux, loué des locaux pour organiser des manifestations particulières. Nous avons même été plus récemment pensionnaires à la maison du séminaire, où nous avons été accueillis pendant plusieurs mois, pendant près d'un an et demi, où nous avons tenu des réunions le dimanche dans les locaux de la maison du séminaire. Et donc c'est vrai, la confiance s'établit, mais c'est un long processus. C'est toujours comme ça. Alors maintenant, vous êtes installé dans le quartier du Magnan, tout près du carrefour de Magnan, je crois. Tout à fait. C'est la proximité de la faculté qui a amené cette implantation un peu, peut-être ? Disons qu'elle n'était pas recherchée. Ça faisait plusieurs années que nous cherchions des locaux après nous être réunis, donc d'abord dans notre salon et puis après dans un hôtel, qui est toujours éminemment suspecte. Et puis après la maison du séminaire, nous avions prié depuis longtemps pour trouver des locaux, et il s'est trouvé que les premiers locaux qui semblaient pouvoir convenir se trouvaient, c'est vrai, dans le quartier de Magnan, pas loin de la fac de lettres, où nous avions toujours eu à cœur de témoigner auprès des étudiants, en aidant le groupe biblique universitaire ou en en étant présent de diverses façons. Donc nous avons pu, c'est vrai, commencer à louer des locaux qui sont situés au 10 avenue Aimé Martin. Et là encore, je crois que les relations fraternelles y sont pour quelque chose. Le propriétaire se trouve être une personne très engagée dans l'Église catholique. Il est responsable des cours alpha à l'église à Roquefort-les-Pins. Monsieur Del Piazzo qui nous a accueillis très, très, très fraternellement. Donc là aussi, nous sommes très heureux d'avoir pu trouver et aménager ces locaux. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Je sais que la musique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et les jeunes, votre fils chante. Et je crois que vous avez un enregistrement à nous présenter avec lui. Oui, alors c'est vrai que la musique contemporaine joue toujours un grand rôle. Et c'est vrai que, quelque part, l'essence du christianisme, c'est d'aller chez l'autre, d'aller dans la culture de l'autre. Et on a à cœur de montrer aux jeunes et aux moins jeunes que on peut louer le Seigneur avec de la musique contemporaine, même si la musique plus traditionnelle, plus classique est souvent une musique excellente qui est pleine de richesses. On a comme la plupart des églises protestantes évangéliques ou églises protestantes et même l'église catholique, maintenant beaucoup de musiciens locaux, des talents dans l'église même qui se réunissent pour mener la louange et pour enregistrer de la musique. Ok, on va écouter Tonio dans un morceau qui s'appelle « Tout pour moi ». Tu es ma force dans ma faiblesse, tu es mon trésor, ma richesse, oui, tu es tout pour moi. Tu es comme un joyau parfait, que seul un fou mépriserait, oui, tu es tout pour moi. Calvary Chapel Nice se trouve à Magnan. Vous proposez quel genre d'activité ? Bien, nous avons un culte le dimanche matin à partir de 10h30. Nous avons une étude biblique le mercredi soir. Nous étudions en ce moment le dimanche matin l'évangile de Matthieu. Le mercredi soir, nous étudions la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Donc l'étude biblique du mercredi soir est à 19h45. L'après-midi du mercredi, nous avons ce que nous appelons un café-bar où les gens du quartier, les étudiants se retrouvent autour d'une tasse de café pour parler de leur vie, parler de la Bible, parler de différentes choses. Ça, c'est à partir entre 4h et 6h30. Nous avons à côté de ça des réunions plusieurs réunions de prière le mardi matin, le mercredi soir, le lundi sur Sofia, nous avons une réunion de prière et également une étude biblique mensuelle pour les femmes, plus différentes activités. Ce que je pourrais faire plutôt que d'énumérer tout ça, c'est vous inviter, si vous avez accès à Internet, à regarder le site de l'église Calvary-Chapelle Nice, qui se trouve à www.calvary-chapelle en un seul mot, CALVARYCHAPELLE en un seul mot, .com/Nice. Et là, vous trouverez des activités, des enregistrements aussi de messages que nous essayons de faire aussi régulièrement que possible. Merci. Voilà. Parlons messages. Si en quelques phrases, il fallait résumer le message que vous voulez faire passer par votre travail, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, moi-même, j'ai été un fruit d'une déchristianisation de notre pays. J'avais laissé tomber la foi chrétienne, l'Évangile, et il a fallu qu'il soit clairement présenté pour que je redécouvre sa valeur. Et mon désir, c'est de faire passer ce message de l'Évangile à nos contemporains, aux jeunes en particulier, qui ont toute la vie devant eux, savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est vivant, qui est mort pour leurs péchés et qui veut leur donner une vie abondante. C'est tout un programme. Tout un programme. Merci Pierre pour votre participation. On va répéter adresse et numéro de téléphone tout à l'heure de l'église. Je voudrais simplement rappeler une annonce. L'église baptiste que je représente a une association à Bège, Association Baptiste pour l'entraide et la jeunesse, pour le travail social. On essaye de répondre aux besoins de la population en difficulté dans le quartier Vernier. Nous organisons une brocante ce samedi 13, du 9h30 à 16h30. Donc, vous pouvez venir trouver des petits trésors ou des choses inutiles pour peu cher, et vous nous aiderez à aider les autres. Notre culte est le dimanche à 10h. Et vous êtes tous les bienvenus. Pierre, les coordonnées de l'église Calvary-Chapelle Nice. C'est donc au 10 avenue Aimé Martin, près de la place de Magnan, tout de suite à droite lorsqu'on est à la station BP. Et notre numéro de téléphone, c'est le 04 93 98 42 25. Et Sam, je te remercie de m'avoir invité. Merci. Je dis à bientôt aux auditeurs de RCF. Bon fin de mardi et à bientôt. C'était Actualité protestante, l'émission des églises protestantes de Nice appartenant à la Fédération protestante de France. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.